Eh bien, bonsoir et merci d'être là. Je vais donc vous présenter mon dernier ouvrage, Servir, qui a été publié ici en Alsace chez Jérôme Daubensinger. Alors, pourquoi ce livre? Ce n'est pas mon premier, c'est mon cinquième. Mais il est un peu différent des autres dans la mesure où, en réalité, ce sont des mémoires. Évidemment, on peut s'étonner pourquoi des mémoires. Je ne suis évidemment pas un homme politique prestigieux, ni même un people. Et bon, il n'y a peut-être pas grand-chose dans mon livre qui intéressera le grand public. Néanmoins, je dois avouer que j'ai toujours aimé lire, d'abord. Je suis un très grand lecteur. Et très tôt, j'ai aimé écrire. Et dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à tenir un journal sur des petits carnets où chaque jour je notais mes activités, mes observations, mes pensées du moment. Et tout ça m'a bien servi par la suite. Et puis, j'ai tenu ces carnets jusqu'à l'âge de 28 ans, donc pendant 14 ans finalement de carnets. Et par la suite, quand je suis rentré dans la vie active, j'ai été amené à écrire pas mal d'articles. Alors ça a commencé modestement dans les bulletins paroissiaux, et puis les journaux consistoriaux, et même un journal national protestant. Et puis, je me suis attaqué à des articles juridiques. J'en ai écrit pas mal, qui ont été publiés dans des revues de droit, comme la Semaine juridique, la Revue Dalloz ou la Gazette du Palais. Donc c'était quand même très, très orienté, d'abord sur la vie de l'Église, le protestantisme, etc. Et puis ensuite sur des questions de droit, puisque c'était mon métier. Et puis, plus récemment, même assez récemment, puisque c'est en 90 que je me suis mis à cette tâche, j'ai travaillé à mon premier livre. Certains d'entre vous connaissent sans doute, c'est l'ouvrage sur la législation des cultes protestants en Alsace et en Moselle. C'était une façon pour moi, au moment où j'ai quitté la direction, le directoire, donc la direction de notre église, après 11 ans d'activité au sein du directoire, c'est le moment où j'ai voulu, au fond, utiliser les compétences que j'avais acquises dans ce ministère, notamment en matière de droit des cultes, et puis mon expérience à la tête d'une église protestante. Donc ça, c'était mon premier livre. Après, je suis resté dans le domaine du droit, puisque j'ai fait un ouvrage sur le ministère public, qui est paru dans la collection Que sais-je, et puis un autre ouvrage sur le droit des cultes, qui est paru chez Dalloz. Et enfin, c'est l'avant-dernier, un ouvrage plus personnel déjà, qui est consacré à l'affaire Allègre, cette affaire qui s'est déroulée à Toulouse et dans laquelle j'ai été à mon corps défendant impliqué à un moment. Et donc ce livre-là, c'est un témoignage sur cette affaire Allègre. Et c'est au cours d'une soirée chez le président de l'ÉCAL, Jean-François Collange, que j'ai été interpellé par un des autres invités là qui se trouvait avec moi, qui était Monsieur Jean-Paul Costa, le nouveau, à l'époque nouveau président de la Cour européenne des droits de l'homme. Justement, les Collange avaient parlé de mon livre sur l'affaire Allègre. Et ça a intéressé Monsieur Costa qui m'a dit alors, mais pourquoi n'écrivez-vous pas vos mémoires? Bon, sur le moment, j'étais un peu surpris. J'ai dit, bon, j'y ai jamais pensé. Pourquoi des mémoires? Il m'a dit, si, vous avez certainement connu des gens intéressants, vous avez certainement eu à intervenir dans des dossiers qui peuvent attirer l'attention du public, vous devriez réfléchir. Bon. J'y ai réfléchi. J'ai d'abord pensé qu'effectivement ça pourrait intéresser mes enfants et mes petits-enfants. leur laisser un souvenir de ma vie et de mon activité. Puis je me suis dit, bon, les enfants, les petits-enfants, c'est bien, mais enfin, tant qu'à faire, c'est vrai que mon activité judiciaire pourrait intéresser un plus large public. Mais je ne voulais pas me lancer, comme ça a été fait par un certain nombre de mes collègues, hein, uniquement faire du médiatique, bon, un grand procès médiatique, ou alors des commentaires sur d'éventuelles réformes judiciaires, etc. Ça a déjà été exploité à plusieurs reprises. Donc moi, je voulais à ce moment-là parler du travail quotidien du magistrat. C'est très peu connu de nos concitoyens qui ont une vision déformée de la justice française à travers tous les films anglo-saxons qui nous abreuvent en permanence à la télé et ailleurs, si bien que trop souvent les gens ignorent totalement le fonctionnement de la justice française et comment les magistrats français travaillent, dans quelles conditions, avec quel état d'esprit, avec quelle vision de la justice. Et donc c'est un peu cet aspect-là que je voulais faire ressortir dans ces mémoires. Bon, bien sûr, je suis amené à parler d'un certain nombre d'affaires qui ont un peu défrayé la chronique ou qui sont intéressantes en elles-mêmes, mais toujours sous l'angle du travail du magistrat, et particulièrement du magistrat du parquet, puisque ça a été ma fonction pendant 40 ans. J'ai toujours travaillé au parquet, c'est-à-dire au ministère public, comme substitut d'abord, comme procureur ensuite, et enfin comme procureur général. Et puis, toujours la réflexion aidant, je me suis dit, la justice, c'est très bien, c'est effectivement une part essentielle de mon activité pendant 40 ans, mais je n'ai pas fait que cela. Et puis, il y a un autre aspect qui peut-être pourrait intéresser un certain public, notamment un public protestant ou plus largement un public chrétien, c'est mon activité dans les églises. Donc, en particulier l'église de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine. Et c'est pourquoi, bon, j'ai donc un peu élargi encore mon propos. Et puis finalement, je dis, bah, si je parle de mes deux principales activités, je vais aussi parler de la troisième, puisque j'ai eu aussi une carrière militaire dans la réserve, qui m'a beaucoup intéressé à certains égards et qui m'a aussi pas mal apporté. Donc, finalement, dans ces mémoires, je parle de mes trois axes d'activité, la justice, l'Église, l'armée. Et puis, j'ai voulu faire le faisceau de tout cela, car tout ça se passe à une époque bien déterminée, qui est le XXe siècle et le début du XXIe. Le XXe siècle essentiellement, un siècle qui est extrêmement riche en événements, qui est un siècle agité, violent, parfois même sanglant, même souvent sanglant, et un siècle de mutations dans tous les domaines, pas seulement matériels, mais aussi intellectuels, politiques, sociétales, spirituelles. Et donc, j'ai voulu replacer ma vie et mes activités dans ce contexte historique de ce siècle que j'ai traversé en grande partie et que finalement les jeunes d'aujourd'hui ont du mal à comprendre et à percevoir parce qu'ils vivent dans un autre monde que celui dans lequel j'ai vécu pendant longtemps et celui en tout cas dans lequel j'ai été éduqué. Voilà, donc un peu l'aspect général de ce travail qui m'a demandé à peu près 3 ans. Bon, je ne me suis pas précipité, hein, j'ai pas travaillé 8 heures par jour sur ces mémoires, mais bon, j'ai mis 3 ans à sortir ce livre. Alors rapidement, quelques petits aperçus sur ces trois axes, hein. Alors, la justice d'abord. Je vais vous lire un petit extrait d'un passage sur cette carrière de magistrat. Celui d'avocat général d'assises, parce que bon, je suis beaucoup allé devant les cours d'assises soutenir l'accusation en tant qu'avocat général d'assises. Aussi bien d'ailleurs, j'ai commencé assez jeune, comme j'étais procureur à Bar-le-Duc. Bar-le-Duc était le siège de la cour d'assises de la Meuse, et donc je me suis trouvé contraint d'aller déjà aux assises à cette époque-là. J'ai retrouvé les assises quand je suis venu à Strasbourg comme procureur adjoint, où là aussi, Strasbourg, c'est le siège des assises du Bas-Rhin, donc je suis allé souvent aux assises à Strasbourg, et puis après comme procureur général, aussi bien à Agen qu'à Toulouse. Là, ben, également, j'ai dû aller à la cour d'assises, puisque c'est quand même une des fonctions principales des procureurs généraux et de leurs adjoints. Alors, un peu un témoignage sur le travail du magistrat aux assises. Pour un magistrat, l'audience de la cour d'assises représente la quintessence d'une audience pénale. Elle exige en effet une préparation longue et minutieuse, une attention de tous les instants, un esprit incisif et aussi une certaine empathie pour nos semblables, hommes et femmes, victimes, témoins et même accusés. C'est un théâtre où les différents acteurs tentent de découvrir la vérité, où s'échangent des petites phrases percutantes, jaillissent les émotions, explosent les colères, coulent les larmes, s'affrontent des démonstrations plus ou moins rigoureuses, et où se joue la destinée d'une ou de plusieurs personnes. Mais c'est aussi un champ de bataille où s'accumulent les chausse-trappes de la procédure pénale, orale et contradictoire, qui peuvent parfois conduire la justice au désastre. La cour d'assises, c'est aussi, il faut bien l'avouer, une loterie. Le tirage au sort des jurés d'abord, avec les possibles récusations, en marque le début. Les personnalités du président, de l'avocat général et des avocats des partis en sont un second aspect. Enfin, le sexe, le niveau social, le sens des responsabilités, la capacité d'attention et les croyances de chacun des jurés appelés à siéger et à délibérer constituent les derniers aléas. Nous montons, je parle des magistrats, nous montons généralement à l'audience la bouche sèche et l'estomac noué. Nous en sortons toujours épuisés, mais le plus souvent satisfaits, car paradoxalement, en dépit de tout, nos cours d'assises rendent plutôt une bonne justice. Et la collaboration entre magistrats professionnels et citoyens aboutit en général à des décisions équilibrées. Voilà, bon, un extrait qui donne un peu le sentiment de l'avocat général qui va aux assises. Mais bon, j'ai aussi parlé du travail de bureau du magistrat, le magistrat du parquet a un travail de bureau considérable, car tous les matins, il arrive dans son bureau, il trouve une pile de courriers comme ça dans sa corbeille de droite, et le soir, il faut que le courrier soit passé dans la corbeille de gauche, c'est-à-dire qu'il ait étudié tous les dossiers et qu'il ait, dans tous les dossiers, pris des décisions aussi souvent que possible, adéquates et pertinentes. Et c'est un travail astreignant, d'autant plus que le magistrat du parquet, quand il fait ça dans son bureau, est sans arrêt dérangé par des coups de téléphone, des visites des uns ou des autres, ou des présentations, lorsqu'il est de permanence, des présentations de détenus auxquels il va falloir pour lesquels il va falloir procéder à un interrogatoire, et là aussi prendre une décision. Que fait-on de cette affaire? Est-ce qu'on envoie l'affaire à l'instruction, au juge d'instruction? Est-ce qu'on l'envoie directement en correctionnel? Est-ce qu'il faut prévoir une mise en détention ou pas? Bon, c'est tout un enchaînement de réflexions et de décisions qui sont à prendre dans l'urgence. Voilà, bon, donc un petit peu la vie quotidienne du magistrat, sans compter les transports sur les lieux. Le magistrat du parquet est souvent appelé à se rendre sur les lieux d'un drame, d'un crime, pour sur place prendre la direction des opérations de la police judiciaire et donc de démarrer l'enquête et de surveiller le démarrage de l'enquête et de donner éventuellement des orientations. Donc c'est une vie très très active, contrairement peut-être aux magistrats du siège qui sont davantage dans le travail de cabinet, de réflexion, de recherche juridique, de recherche de jurisprudence, et puis qui, bien sûr, ont le travail de l'audience aussi. Mais le magistrat du parquet, c'est ce qu'il y a de plus varié, finalement, puisque on prend les affaires pénales du début, c'est-à-dire on est compétent dès lors que le fait est commis, et donc on peut aller tout de suite sur les lieux, diriger l'enquête, et puis on est compétent jusqu'à la décision de la juridiction. Donc devant la juridiction, on demande par exemple une peine, et puis quand la juridiction a tranché et éventuellement a fixé une peine, c'est encore le parquet qui après va faire exécuter cette peine. Et là, avec toute une collaboration avec des magistrats du siège qu'ils appellent les juges de l'application des peines, maintenant même des tribunaux de l'application des peines, bon, mais vous voyez, on va du jour où le fait est commis jusqu'au jour où la peine est finalement exécutée. Donc c'est un champ très large. Bon, alors bien entendu, au cours de ma carrière, 40 ans quand même, j'ai connu quelques affaires intéressantes que j'évoque dans mon livre, comme par exemple à Strasbourg, l'affaire des associations homosexuelles qui avait poursuivi l'évêque de l'époque, Mgr Elchinger, devant le tribunal correctionnel. C'est moi qui tenais le siège du ministère public à la demande de mon procureur. En tant que protestant, j'étais un peu embarrassé de prendre la parole dans une affaire mettant en cause l'évêque. Néanmoins, je l'ai fait. Et je l'ai fait d'autant plus allègrement que l'affaire tenait pas juridiquement, que donc ça devait s'effondrer. Mais ça a quand même pris tout un après-midi de débat, car il y avait des avocats parisiens qui étaient venus et qui s'accrochaient. Bon, j'ai à Strasbourg toujours eu à traiter d'une affaire criminelle cette fois-ci, dont tout le monde a entendu parler, qui est l'affaire du trio à la mitraillette, ou de Simon Schneider, si on préfère, ce Robin des Bois alsacien, comme l'avaient qualifié les journaux locaux. C'est une affaire qui a pris 3 semaines d'audience. 3 semaines d'audience. Et moi, le procureur de l'époque m'avait accordé 1 mois dégagé de toutes mes autres fonctions, de toutes mes autres activités, pour préparer ce dossier, qui était un dossier énorme qui faisait plusieurs volumes. Il a donc fallu que je lise ce dossier de la première page à la dernière page en prenant des notes, que je vois un petit peu comment l'affaire se présentait, et puis il a fallu que je rédige le réquisitoire écrit. Un réquisitoire écrit de renvoi devant la cour d'assises du Bas-Rhin, qui finalement a pris 75 pages dactylographiées. C'était quand même un gros travail. Et puis après, naturellement, il a fallu que j'aille à l'audience et que je tienne l'audience pendant 3 semaines. Autant dire que je vous l'ai lu tout à l'heure, cet extrait sur la cour d'assises et la difficulté des assises. 3 semaines avec, il y avait 6 ou 7 accusés de crime, plus quelques accusés de délits connexes. Et surtout, il y avait dans cette affaire un avocat Maître Redman, pour pas le citer, mais qui était bien connu à l'époque, c'était le mouton noir du barreau de Toulouse, de Strasbourg, et qui a délibérément voulu faire une défense de rupture, ce qu'on appelle une défense de rupture, c'est-à-dire vraiment en attaquant, pas en défendant spécialement ses clients, mais en attaquant la justice, en attaquant la loi, en attaquant les juges, bref, en créant des incidents en permanence pendant toute l'audience. Et en cour d'assises, des incidents, c'est extrêmement dangereux, parce que la moindre erreur de procédure de l'avocat général, du greffier, ou surtout du président, et ça peut être la cassation après. Donc une affaire perdue, et du temps perdu pour tout le monde. Donc c'est extrêmement stressant, ce genre d'audience, avec ce type de défense. Et donc ça a duré 3 semaines. 3 longues semaines, pendant lesquelles il y a eu aussi des incidents avec la défense, dont un que j'ai provoqué, parce que j'avais découvert, peu de temps avant l'audience, que une association avait adressé aux futurs jurés, qui étaient déjà connus, la liste des jurés était déjà connue, leur avait adressé un espèce de pamphlet où on leur disait « La justice va se servir de vous, vous allez condamner à mort, bon, la peine de mort n'était pas en cause dans l'affaire, mais vous allez condamner à mort Simon Schneider, etc. et ses comparses, on va faire de vous des bourreaux, la justice n'ose pas le faire et elle va vous le demander à vous, enfin, et trembler, bon, c'était carrément des menaces aussi aux jurés. Et quand j'avais appris ça, j'avais demandé au juré qui était venu se plaindre, c'était un juré qui était venu se plaindre à moi d'avoir reçu ça, je lui ai dit, écoutez, allez à la gendarmerie et apportez le pamphlet et faites une déposition. Ce qu'il a fait, et la gendarmerie m'a envoyé ça. Et après, j'ai appris qu'une autre gendarmerie avait reçu également la visite d'un autre juré qui avait eu la même chose. Alors moi, on m'envoie ça, j'ai les procès-verbaux, j'ai les documents envoyés par cette association, et je vois une association, je dis, bon, très bien, et je demande au registre des associations de Strasbourg ce qu'il en est. Et on me dit, effectivement, l'association a bien été déclarée à telle date, elle est régulière, et le comité est composé de... Et je me fais donner la liste du comité. Et je découvre que le président du comité était l'avocat de la défense, Redman. Et puis que le secrétaire était un des témoins cités par la défense. Et qu'un autre était également un des témoins cités par la défense. Bon, j'en parle à mon procureur, j'en parle au président de la cour d'assises, et je dis, moi, je ne bouge pas pour l'instant, j'attends la bonne occasion pour sortir ça. Bon, on est d'accord. Et j'attends que le premier témoin cité par la défense, et qui était secrétaire de cette association, vienne déposer. Bon, il prête serment, il dépose, et puis, suivant la procédure, le président dit, monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos questions. À ce moment-là, je me lève et je demande à ce monsieur est-il exact que vous êtes secrétaire du comité de l'association machin chose qui a déposé ses statuts au registre des associations? Il est surpris, bien sûr, il dit oui. Et alors, je me tourne vers le président, et puis je dis, ben, monsieur le président, j'ai là la liste du comité, et je lis la liste des noms. Maître Redman. Explosion, bien sûr, je m'y attendais. Explosion des avocats qui, tous en cœur, se lèvent en hurlant. Incident d'audience, suspension d'audience, on appelle le bâtonnier. Le bâtonnier me demande de retirer mes propos. Je dis, il n'y a aucune raison de retirer mes propos. C'est la réalité. C'est le comité. Il est régulièrement déposé au registre des associations. Et voilà. Bon, alors la cour se retire pour délibérer. et revient en disant que elle donne acte de mes propos. Elle donne acte de mes propos, donc ça veut dire que c'est inscrit au procès-verbal des débats. Et par conséquent, ça va rester s'il y a ensuite un pourvoi en cassation. Voilà. Et puis, on reprend les débats. Vous voyez donc le type d'incidents qui peuvent se produire. Bon, là, ça, c'est un incident que moi, j'ai provoqué, parce que j'ai considéré que c'était scandaleux d'avoir essayé d'intimider les jurés comme ça avant le procès. Mais il y avait d'autres incidents qui étaient soulevés par Maître Reinemann en permanence. Vous avez les détails dans mon livre, je n'insiste pas davantage. Mais c'est pour montrer que c'est de toutes les affaires d'assises que j'ai eues à traiter, ça a été la plus difficile et la plus longue. Bon, j'en ai eu d'autres après, aussi bien à Agen qu'à Toulouse. Et notamment à Toulouse, j'avais eu une affaire assez intéressante du meurtre d'un jeune gendarme auxiliaire par un gangster qui venait de commettre un hold-up et qui était en cavale. Qui est une affaire assez difficile, où on n'avait quasiment pas de preuves, très peu de preuves, mais où finalement on a pu le coincer sur un problème de cartouche et de rechargement de cartouches. C'était un homme qui était très connaisseur en armes et qui avait acheté le matériel pour recharger ses cartouches. Et les étuis de cartouches qui avaient été retrouvés sur le lieu du meurtre, qui avaient donc servi à tuer ce malheureux gendarme auxiliaire, portaient des traces caractéristiques. Et il a été prouvé que ces traces provenaient du matériel de rechargement. Et l'intéressé on avait la preuve qu'il avait acheté ce matériel de rechargement, on avait la preuve qu'il avait un pistolet du calibre recherché, et on ne les a pas retrouvés, et il a toujours refusé de dire où il les avait cachés. C'était un petit peu quasiment une forme d'aveu indirect. Bon, voilà une deuxième affaire qui était intéressante, sur laquelle je m'étends un peu dans mon livre. Mais alors, j'ai eu des affaires correctionnelles intéressantes aussi à Mulhouse. À Mulhouse d'abord, où j'ai eu à traiter du dossier de la catastrophe d'Apsheim. Vous vous souvenez peut-être de cet Airbus qui s'est écrasé à Apsheim au cours d'une démonstration et qui avait fait un certain nombre de morts. C'est un dossier qui a duré pratiquement une dizaine d'années avant d'être définitivement jugé, et dans lequel j'ai eu à m'affronter avec un juge d'instruction très particulier qui sévissait à Mulhouse, le doyen Germain Sangelin, que certains surnommaient le shérif du Sungo. Alors je vais vous lire quelques petits passages sur le juge Sangelin. C'est un peu amusant. Voilà. Alors là, c'est un peu le portrait que je fais de ce collègue. La quarantaine bien avancée, grand, massif, dans son éternel costume de velours côtelé beige clair, déformé aux genoux, le visage carré, le menton volontaire, le crâne luisant en raison d'une calvitie prononcée, les yeux marrons et inquisiteurs derrière des lunettes aux épaisses montures, il s'exprimait d'une voix rauque et saccadée, usant souvent de termes abscons et de formules alambiquées. J'ai tout de suite senti chez cet ancien instituteur, puis sous-lieutenant appelé en Algérie, devenu magistrat, une méfiance viscérale à l'égard de ses collègues du ministère public et en particulier des représentants de la hiérarchie. Et puis, plus loin, je dis encore, il ne se passionnait que pour les dossiers susceptibles de toucher au grand banditisme, de présenter une dimension internationale exceptionnelle ou d'avoir un retentissement médiatique. Lui-même se désignait au cours d'une conférence de presse comme, je le cite, « un chasseur de grands fauves ». Au besoin, avec l'aide de ses amis journalistes, il orientait plus ou moins artificiellement ses procédures dans là où les directions souhaitaient. Il donnait ainsi volontiers des conférences de presse dans son cabinet, au palais de justice, pour justifier ses décisions, exposer ses états d'âme et distiller des indications sur les développements futurs de son instruction. Pour ce tranche-montagne, quel que soit le délit ou le crime dont il était saisi, celui-ci présentait presque toujours des liens étroits avec des trafics internationaux de cigarettes, de drogues, d'armes, de devises ou de capitaux, ou même avec les services secrets, la mafia, voire le terrorisme basque. Voilà le personnage avec lequel j'ai dû me coltiner pour cette fameuse affaire d'Apsheim. Bon, j'entre dans les détails dans mon livre, et là aussi, je vous renvoie à cette lecture, parce que je ne veux pas, sinon je pourrais en parler pendant des heures et toute la soirée. Alors j'en arrive... encore une affaire correctionnelle que j'ai eue à Agen. Je vais l'ébaucher parce qu'elle était intéressante. Elle m'avait bien amusé. J'arrivais à Agen, venant d'Alsace. Évidemment, c'est un autre monde. Hein. C'est le sud-ouest. Et je suis nommé comme procureur général. Et arrivant dans cette ville, je rends visite aux autorités, aux notabilités. Et je rends visite à l'évêque, Monseigneur Saint-Gaudens, qui me reçoit fort bien et puis qui me parle de des grands problèmes de son diocèse, et notamment d'un grand problème, c'était une secte catholique intégriste qui s'était installée dans le diocèse d'Agen, pas très loin d'Agen, dans un petit village, et qui causait des perturbations étonnantes. Alors il me dit, il y a un plaignant qui a déposé plainte pour escroquerie, c'est passé en correctionnel, je ne sais pas ce que ça va devenir. On passe à autre chose. C'était pas une intervention, il me parlait de ses soucis. Moi, rentré au parquet général, j'étais un peu alléché. Vous pensez, une secte catholique, on nous critique tellement, nous protestants, avec toutes nos sectes. Je dis, ça c'est bien. Alors je demande le dossier administratif, puis je l'étudie et je me dis, c'est quand même intéressant. Je téléphone au procureur de la République d'Agen qui avait le dossier, et je lui dis, alors où en est-on? Alors il m'a dit, ça va passer à l'audience prochainement. Alors, je lui dis, vous me direz ce que ça a donné. Alors après l'audience, il me dit, c'est un acquittement. Parce qu'on avait poursuivi pour escroquerie, et puis le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas d'escroquerie. Évidemment, pour soutenir l'escroquerie, il fallait démontrer soit un usage de fausse qualité, soit des manœuvres frauduleuses. Et en l'espèce, l'usage de fausse qualité, c'était l'usage de la qualité d'évêque, car les deux chefs de la secte se prétendaient évêques. Il se prétendait d'abord prêtre et évêque, et puis les manœuvres frauduleuses, c'était difficile aussi pour un tribunal laïque de les caractériser, parce que en l'espèce c'était des apparitions de la Vierge dans un bois à côté de leur village. Alors comment voulez-vous qu'un tribunal laïque puisse retenir comme manœuvre frauduleuse des apparitions de la Vierge, ou comme usage de fausse qualité, la qualité d'évêque? Évidemment, un tribunal laïque n'est pas qualifié pour dire si quelqu'un est un évêque authentique ou pas. Alors, je lui dis, faites appel, et puis envoyez-moi le dossier. Donc, le procureur fait appel, le dossier arrive à la cour d'appel, et je me dis, j'étais un peu devenu un spécialiste du droit des cultes, au cours de mon passage au directoire ici, j'ai dit, je prends le dossier, je vais le prendre personnellement. Alors j'étudie le dossier, je me dis, évidemment, l'escroquerie, ça ne peut pas tenir, ça c'est clair. Et puis, je me rends compte, en regardant les finances de la secte, qui avait quand même été étudié par le juge d'instruction, que, ma foi, une partie des dons des fidèles atterrissait, non pas sur les comptes de l'association Fraternité Saint-Je-sais-plus-quoi qu'ils avaient créé, qui était une association qui existait, mais allait sur des comptes de sociétés civiles immobilières, dont les fameux évêques étaient les seuls porteurs de parts. Donc, j'ai dit, bon, c'est bien, l'abus de confiance me paraît caractérisé. Et donc, je vois le président de la Chambre des appels correctionnels, je lui dis, écoutez, je viendrai à l'audience et je vous préviens, hein, pour ne pas vous surprendre, que je vais faire requalifier l'escroquerie en abus de confiance. Et il dit, ah bon, bon, bah, écoutez, je vais voir ça, le dossier sous cet angle, bon. Et je lui dis d'ailleurs, je vais faire des réquisitions écrites. Et effectivement, je prépare l'audience, je fais des réquisitions écrites pour requalifier le délit poursuivi d'escroquerie en abus de confiance, et je vais à l'audience. Alors là, l'audience, c'était sensationnel. On avait pris la salle des assises parce qu'on s'attendait à beaucoup de public, et effectivement, alors on avait nos deux évêques en costume de clergyman, hein, dans le box des accusés, et puis, alors, dans la salle, il n'y avait que des séminaristes et des bonnes sœurs en tenue, hein. C'était à l'époque où pourtant ça ne se faisait plus, hein. Mais ils étaient tous en habit. Et alors, la salle était pleine. Et bon, donc j'attends le moment propice pour déposer mes réquisitions écrites, les donner au président et aux avocats des différentes parties. Et puis, je demande la parole et oralement, je les développe en disant, bon, ben voilà, c'est bien joli, c'est pas de l'escroquerie, c'est de l'abus de confiance pour telle et telle raison. Et donc, je demande qu'on instruise sous cet angle. Et alors, effectivement, après, le président a instruit l'audience et je l'ai beaucoup aidé parce que j'intervenais beaucoup, je posais des questions, bon. Et bon, on est arrivé à une condamnation pour abus de confiance. Et ils ont fait un pourvoi en cassation et la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi en considérant qu'on avait parfaitement bien jugé. Ouais, c'était intéressant parce que on touchait au droit canonique, on touchait aux croyances, c'était quand même délicat pour un tribunal, mais finalement, sous cet angle purement financier de l'abus de confiance, là, on pouvait arriver à condamnation. Et Monseigneur Saint-Gaudens s'était bien content d'être débarrassé de cette secte, qui après, effectivement, a perdu tout crédit et s'est effondré. Voilà, bon, j'en arrive ma deuxième activité, parce que je crois que j'étais un peu trop disert sur le judiciaire, pour parler de mon passage au directoire de l'ÉCAL et de d'autres activités que j'ai eues dans les églises protestantes. Mais enfin, je reste essentiellement sur le directoire, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. J'ai quand même été 11 ans au directoire et c'est ce passage qui m'a permis de bien connaître notre église, de bien connaître aussi les églises voisines, l'église réformée, l'église catholique, aussi bien l'évêché de Strasbourg que l'évêché de Metz, puisqu'on avait des réunions une fois par an avec les évêques et leur staff, et puis avec l'église réformée dans le cadre de nos structures qui n'étaient pas encore communes, mais qui fonctionnaient déjà ensemble. Alors le directoire, je me suis aperçu de la complexité extraordinaire de la gestion d'une église au XXe siècle. Bon, quand on voit ça de la base, on pense que c'est simple, que tout doit baigner dans l'huile, qu'on est tous des frères et que, bon, sous l'inspiration de l'Évangile et du Saint-Esprit, les choses vont bien se passer. Malheureusement, c'est aussi une institution humaine. Et en tant que telle, elle est formée d'hommes et de femmes. Et parfois, il y a des problèmes, et des problèmes délicats, difficiles à régler. Des problèmes humains, d'abord, ce sont les plus difficiles. Et j'avoue que c'est ce qui m'a paru le plus compliqué, le plus délicat au directoire, c'était la gestion du corps pastoral. Car à l'époque, c'est le directoire qui gérait le corps pastoral. Maintenant, c'est dans le cadre de l'UEPAL, c'est le conseil plénier. Donc la gestion du corps pastoral. Mais il y avait aussi des tas d'autres problèmes financiers, immobiliers, aussi au sein des paroisses, des fois des problèmes entre le conseil et une partie de la paroisse, ou au sein même d'un conseil presbytéral. Les relations avec toutes les associations qui gravitent autour de l'Église, et Dieu sait qu'il y en a, hein, et heureusement, les associations caritatives, les associations missionnaires, etc. Et c'est tout un tissu, un réseau de relations qu'il faut entretenir et qui parfois pose des problèmes. Bon, alors j'ai assez développé, j'ai tout un chapitre dans mon livre sur ce passage au directoire et en même temps au consistoire supérieur, puisque j'étais de droit vice-président du directoire et vice-président du consistoire supérieur. J'insiste surtout dans mon livre sur deux réformes que j'ai en quelque sorte menées, puisque le consistoire supérieur avait créé une commission en accord avec l'Héral, une commission pour réformer nos structures, dans le cadre donc, tout en restant dans le cadre du droit local des cultes. Et donc cette commission, j'en avais été désigné comme le président, et il y avait là un professeur de droit, il y avait le secrétaire général de l'ÉCAL, il y avait deux représentants de l'Héral. Bon, on était un certain nombre, une douzaine au départ. Et donc à réfléchir sur les évolutions souhaitables, les évolutions possibles et comment procéder. Et finalement, nous avions trouvé qu'avec la Constitution de 1958, on pouvait modifier beaucoup de choses par simple voie de décret. Jusque-là, toutes les réformes avaient échoué parce qu'il fallait passer par la loi. Et passer par la loi devant un Parlement, sous la Quatrième République ou sous la Cinquième, ça pouvait être dangereux. Donc, ça avait fait obstacle. Et là, on a découvert que finalement, on pouvait changer beaucoup de choses et même modifier des lois anciennes par de simples décrets en application d'un article précis de la Constitution de 1958. Donc, on s'est mis à réfléchir sous cet angle, en disant, ben voyons, qu'est-ce qu'on peut changer? Et on a proposé, parce que la structure qui était la plus vieillie et la plus démodée, si j'ose dire, en tout cas la plus inadaptée, c'était celle des consistoires. Et donc, on s'est attaqué au consistoire. Le consistoire supérieur et le synode de l'Hérald nous ont donné mission de préparer un décret de réforme des consistoires. C'est ce qu'on a fait, et finalement, on est arrivé à une solution, puisque ce décret a été publié en 1987. Donc, premier succès. Et là, ça a servi un peu de modèle pour la suite, même à nos frères catholiques, puisque après, ils ont obtenu un décret pour modifier les fabriques. Et en s'appuyant sur ce modèle, prévu par la Constitution de 1958. Et nous, oui. Quel est le décret de, pardon, quel est l'article de la Constitution qui permet un simple décret Je crois que c'est 38, hein. Il me semble que c'est 38, mais Il dit quoi à peu près, enfin, en là, substance? parce que la Constitution de 1958, c'est sa grande originalité, a fait la distinction entre le domaine de la loi, qui est restrictif, et tout le reste, qui est du domaine du décret. Donc finalement, le Parlement s'est vu restreindre son domaine, alors que le gouvernement voyait étendre le sien. Ça, c'est bien dans l'esprit de la Ve République, hein, prééminence de l'exécutif. Et donc, comme la Constitution a fait cette distinction, et que cette distinction n'existait pas antérieurement, elle a prévu dans un article spécifique que on pourrait, même des lois anciennes, dans la mesure où elles traiteraient d'un domaine qui maintenant relève du décret, pourraient être modifiées par décret. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et puis on a recommencé le travail ensuite pour les paroisses, et on a donc eu obtenu en 1993 un nouveau décret sur les paroisses qui a réformé aussi considérablement le fonctionnement des paroisses. Voilà. Bon, donc c'est un aspect très juridique, mais qui, me semble-t-il, a été important et qui, et surtout, a ouvert la voie à d'autres réformes, comme la création de l'UEPAL après, hein, c'est aussi un décret, etc. Et d'autres réformes qui peuvent encore être envisagées aujourd'hui. Voilà. Bon, je n'insiste pas davantage sur le directoire. Bon, j'ai des anecdotes aussi que je cite. Je parle de la réception du pape Jean-Paul II à l'église Saint-Thomas, qui a été un grand moment. Je parle aussi du remplacement du président Appel par le président Eiffel, puisque là, j'étais en fonction. Donc, bon, je parle de tout ça. Bien. Alors, dans l'Église, bon, après avoir quitté le directoire, que j'ai quitté parce que j'étais muté professionnellement à Agen et donc très loin de Strasbourg, j'ai continué à travailler un petit peu avec notre Église par correspondance pour leur donner à titre d'expert, hein, en quelque sorte, dans des questions juridiques, mais bon, je n'ai pu exercer de responsabilité. Jusqu'au jour où la Fédération protestante de France, en 2004, m'a demandé de, si je voulais bien prendre la direction, enfin la présidence, de la commission Justice et Aumônerie des prisons. Cette commission de la Fédération protestante de France qui, est amenée à réfléchir sur les problèmes de justice et qui, en même temps, supervise le service d'aumônerie des prisons, qui est un service qui est le plus important service de la Fédération protestante de France, puisqu'il gère plus de 250 aumôniers répartis dans les 9 régions pénitentiaires et qu'il gère également des sommes importantes, puisque l'État fournit des vacations à un certain nombre d'aumôniers, c'est des vacations, c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État pour ce qu'ils font au sein des détentions. Et mon prédécesseur à cette fonction avait organisé, avec l'accord de tous les aumôniers, une mutualisation de ces vacations, parce que tous les aumôniers n'en touchaient pas. Et donc, ils ont mis tout ça en commun pour que on puisse assurer la formation des aumôniers et qu'on puisse aussi les rembourser de leurs frais de déplacement, etc. Et donc, du fait de cette mutualisation, ça donnait à la commission un budget important en euros. Hein. Bon, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est très important. Et donc, ça devait servir à la formation des aumôniers et à les défrayer de leurs frais. Bien. Donc, on me demande de prendre donc la présidence de cette commission. J'étais sur la fin de ma carrière, j'étais encore à la Cour de cassation, mais j'en avais plus pour très longtemps. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. De toute façon, ça m'intéressait. Pendant toutes mes fonctions au parquet, j'avais été amené à visiter les établissements pénitentiaires. J'avais eu des contacts avec les aumôniers, bien entendu, dans ces établissements. Et j'étais intéressé par cette idée. Et donc, j'ai répondu oui. J'ai été convoqué à rue de Clichy. J'ai vu le président de l'époque, Jean-Arnold de Clermont. On a discuté, puis finalement, donc, j'ai été nommé à cette fonction. Et donc, j'ai, pendant 4 ans, assuré cette présidence. Mais je suis mal tombé. Je suis tombé dans une période difficile, parce que c'est la période où la Fédération protestante de France, compte tenu du changement de législation, était obligée d'avoir des commissaires aux comptes. Et les commissaires aux comptes ont mis le doigt sur la façon dont était géré cet argent provenant du ministère de la Justice et affecté à l'aumônerie des prisons, qui ne figurait pas dans le budget de la fédération, qui était traité hors budget, qui était illégal, irrégulier. Donc le commissaire aux comptes a demandé qu'on rétablisse les choses. Et l'aumônier national Jean-Marc Dupeux, le pasteur Jean-Marc Dupeux et moi-même avons donc entrepris de régulariser les choses. Et ça a déclenché une crise, parce que les aumôniers régionaux avaient pris l'habitude de gérer ça tout seul dans leur coin. Et ils ont trouvé que Paris, toujours. Ici, c'est le quai. Bon, là-bas, c'était Paris. Paris commençait à se mêler des choses qu'il ne regardait pas. Bon, donc, j'ai eu à m'affronter à une crise assez intense. Finalement, d'ailleurs, m'a amené à renoncer à cette fonction au bout de 4 ans, après avoir quand même réglé les problèmes. Je me suis coltiné donc pendant 4 ans pour régler ces problèmes. Nous y sommes arrivés et à la demande de la fédération, l'aumônier national n'a pas été renouvelé. Normalement, il était nommé pour un certain nombre d'années, 6 ans, je crois, et il pouvait être renouvelé 3 ans. Bon, ça n'a pas été fait parce que le conseil de la fédération, je crois que c'était pas une mauvaise idée, a voulu apaiser les esprits en disant bon, ben, l'aumônier national s'est beaucoup impliqué là-dedans, il a attiré beaucoup de rancœur et de haine, même de certains à la suite de ça, et donc il faut tourner la page et trouver un autre aumônier national. Et moi j'ai pensé à ce moment-là que comme je m'étais impliqué de la même façon avec l'aumônier national dans ce travail, que bah, si on voulait assainir l'ambiance, rétablir la sérénité, il fallait que je parte aussi. Et donc j'ai donné ma démission à ce moment-là. Et voilà. Donc j'ai passé 4 ans dans ce. J'ai trouvé ça passionnant. Et je dois dire que j'ai regretté un peu de devoir arrêter. Mais je pense que c'était sage. Parce que c'est vrai que ça, ce travail de remise dans la légalité avait été très très pénible, très dur, et avait entraîné des démissions. Il avait fallu révoquer certains aumôniers. Donc ça avait été très très dur, et que par conséquent, pour que la sérénité revienne, il valait mieux qu'une fois les choses revenues dans l'ordre, ça soit de nouvelles têtes qui continuent. Voilà. Et bon, ça m'a amené à, je terminerai peut-être par là, vous dire ce que ma conclusion sur ce passage de 4 ans à la tête de cette commission. C'est avec un soulagement certain que j'ai passé la main, après 4 années passionnantes, mais combien lourdes et parfois pénibles. Une fois de plus, dans mes activités au service des églises protestantes, je me suis trouvé confronté à l'individualisme de certains pasteurs, à l'inertie de certains autres et aux problèmes récurrents de l'autorité dans nos églises. Cette crise, la crise que j'évoquais tout à l'heure, constitue une illustration des dangers auxquels on expose les ministres du culte en leur laissant la bride sur le cou, surtout lorsqu'ils exercent un ministère spécialisé en dehors du cadre paroissial. Sans cahier des charges précisant leurs tâches, leurs priorités et leurs responsabilités. Sans conseil d'accompagnement avec lequel partager soucis, problèmes, état d'âme et orientation, trop d'aumôniers et d'aumôniers régionaux avaient œuvré pendant de longues années dans un terrible isolement. Et ceci explique sans doute cela. Je crois qu'effectivement, ça avait été la grave erreur lors de la restructuration de ce service, de ne pas prévoir des cahiers des charges précis pour les différentes fonctions qui étaient mises en place, ni de conseils d'accompagnement, si bien que ces aumôniers régionaux et ces aumôniers étaient très seuls et avaient pris l'habitude de travailler tout seuls. Alors, bon, ils ont fait des choses très bien, mais dans certains cas, c'était un peu en marge des statuts et de la légalité stricte. Voilà, je ne veux pas vous assommer davantage, je m'arrête là et je suis disposé à répondre à vos questions. Bon, il y a un point que je n'ai pas traité, mais sur lequel, si vous avez des questions, je pourrais revenir. C'était de ma participation à la rédaction de la Constitution de l'Église protestante unie de France, puisque là aussi, c'est la dernière fois que j'ai été amené à exercer une responsabilité dans nos églises. Voilà. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions, si je vous ai pas trop assommé, oui, mais... Oui, monsieur le procureur général et monsieur le président, par rapport à votre très noble différentes fonctions, est-ce que je peux vous demander, vous qui avez été par définition pendant 40 ans dans des tâches régaliennes, d'une part, et d'autre part, un peu à la tête, tout au moins dans la direction de l'église luthérienne. Quel est votre avis, bien sûr c'est très vaste et c'est ce qu'on veut, mais sur la doctrine du rendez à César ce qui est à César, et chez Luther, ou ce qui lui est attribué, la théorie des deux règles. Je pense que, inévitablement, vous avez été dans cette dialectique par moment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour moi, la doctrine des deux règnes me convient parfaitement. Je considère que... J'ai eu le sentiment de servir le Seigneur aussi bien dans l'Église, dans cet organe collégial qu'est le directoire, qui est une sorte d'évêque collégial, si on peut dire, et d'autre part comme magistrat dans cette justice laïque, mais qui vit parce que Dieu l'a permis et que c'est comment dirais-je, une institution utile à la vie en société, à la vie ensemble. Et je ne cache pas que, au moment de monter à l'audience, notamment dans des affaires très difficiles, très délicates, un moment de prière m'était nécessaire. Parce que, il faut quand même dans le cadre de... c'est pas moi tout seul, je suis sûr que beaucoup de magistrats sont comme ça. En général, les magistrats, enfin, du moins de ceux de ma génération, étaient plutôt croyants dans l'ensemble. Majoritairement catholiques, bien sûr, mais plutôt croyants. Et je pense que je suis pas le seul à avoir prié au moment de monter à l'audience pour une affaire particulièrement difficile, parce que c'est pas toujours évident. La position qu'il va falloir prendre. Et puis, on peut avoir pris une position, enfin, adopté une position à la lecture du dossier, mais au cours de l'audience, les choses évoluent ou peuvent évoluer, et à ce moment-là, il va falloir changer de position. Et changer de position dans l'urgence, c'est pas toujours facile. Et donc, moi, ça m'a beaucoup soutenu. Ça m'a beaucoup soutenu. Et puis dans les moments difficiles, comme l'affaire Allègre, sur laquelle je ne reviens pas en détail, j'en ai parlé dans mes deux derniers livres, ça suffit. Mais je crois que j'ai beaucoup été soutenu par la pensée que je n'étais pas seul, que j'avais un soutien. Bon, c'est difficile à exprimer. Bon, il y a toujours une pudeur en la matière. Pas d'autres questions? Si, éventuellement. Oui. Est-ce que vos collègues magistrats connaissaient votre engagement ecclésial? Ah oui, je ne m'en... Ça ne devait pas poser trop de problèmes, mais ailleurs... Je ne m'en suis jamais caché. Ici, effectivement, ça va de soi, pratiquement, puisque, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, et la laïcité, au sens de l'intérieur, ne s'applique pas. D'ailleurs, pour être nommé vice-président du directoire, il a fallu que je demande l'autorisation de mon procureur, lequel me l'a accordé, il m'a fait grande confiance en me l'accordant, parce qu'il se rendait bien compte que ça allait me prendre du temps, et que lui-même, d'ailleurs, a fait un rapport à la chancellerie pour obtenir le feu vert de la chancellerie. Par ailleurs, vous savez, pour ce genre de poste, le feu vert du ministère de l'Intérieur est également demandé. Voilà. Donc, c'était tout à fait officiel. Je m'en suis jamais caché. Je me souviens que mon premier discours quand j'ai été installé comme procureur de la République à Mulhouse, dans ce premier discours, j'ai cité Luther. Bon, c'était clair. Vous vous en souvenez peut-être, monsieur... Ah non, vous n'étiez pas encore président de Mulhouse quand, le jour de mon installation. Mais bon, j'ai cité Luther. Alors après, bon, à l'intérieur, j'ai été moins ostensiblement marqué, mais bon, mes collègues savaient que j'étais protestant. Lorsque je suis allé rendre visite à l'évêque, je lui ai tout de suite dit que j'étais protestant et que j'avais même été membre du directoire de l'Église à confession d'Augsbourg. Donc ça se savait. Et d'ailleurs, quand il y a eu l'affaire Allègre à Toulouse, il faut croire qu'on savait que j'étais protestant, puisqu'on a vu dans la presse des réactions de certains qui disaient « cet austère protestant ne peut pas être mêlé à cette affaire ». Enfin bon, donc bon, j'étais connu comme tel. Mais évidemment, je ne pouvais pas l'affirmer aussi directement que je pouvais le faire ici. Je ne pouvais pas, dans mes discours officiels, devant la cour d'appel d'Agen ou la cour d'appel de Toulouse, citer Luther ou citer la Bible, ce que je pouvais faire ici. Bon. C'est une petite différence, mais malgré tout, on savait qui j'étais, sans ambiguïté. Enfin, personnellement, je ne l'ai jamais caché, j'ai toujours déploré que d'autres collègues le cachent, parce que j'ai découvert après coup que certains de mes collègues étaient protestants. Je ne l'avais jamais su. Je l'ai découvert par hasard, après coup. Ça a été le cas d'ailleurs de mon ancien procureur de Strasbourg. Je ne l'avais jamais su. Et d'un collègue de bien avant que j'ai longtemps fréquenté, je n'ai jamais su qu'il était protestant. Je l'ai découvert longtemps après. Donc voilà, bon, c'est des... Comment ? Ça se dit pas, à l'intérieur, ça se dit pas. Oui, mais là, c'était en Alsace. Même en Alsace, il y en a qui ne le disent pas. Bon. Mais je crois que c'est... C'est très mal voir, hein, si vous êtes parpaillot. Oui, mais enfin bon, je crois qu'on a, tort de se cacher. Ouais, on est ce qu'on est, et puis c'est tout. Bon, il ne s'agit pas de l'afficher ostensiblement, mais il ne faut pas le cacher non plus. Il y a aussi tout le milieu très anticlérical, oui, qui s'en prend aussi une protestante. Ah ben oui, ben ça, là, je l'ai connu à Toulouse, le laïcisme idéologique, il est encore très fort là-bas dans le sud-ouest. Et là, on le sent. C'est la conséquence qui est arrivée avec la croisade des Albigeois. Ils ont converti tout le monde au catholicisme, et alors, quand ils ont été libérés en quelque sorte de l'obligation d'être catholiques, sont devenus très catholiques. Ce qui est très curieux dans le sud-ouest, effectivement, ça c'est les historiens qui l'ont constaté, hein, que l'ère du sud-ouest où avait prospéré le catharisme, c'est la même ère où a prospéré le protestantisme, et c'est toujours la même ère où a prospéré le radicalisme anticlérical. Mais le protestantisme a été étranglé. Voilà. Et c'est curieux, on trouve dans les mêmes zones, les mêmes villes, les mêmes villages. Se retourner. Et alors, parfois même, on retrouve les mêmes noms de gens qui étaient, de familles, qui étaient cathares, et qu'on retrouve protestantes après. Ouais. Et probablement qu'on retrouve laïque maintenant. Mais à Toulouse même, le protestantisme avait beaucoup progressé. Il a été écrasé par la force. Il y a eu... Et les capitouls de Toulouse étaient très hostiles au protestantisme. Surtout le Parlement de Toulouse. Le Parlement de Toulouse, il avait un inquisiteur jusqu'à la Révolution. Le Parlement de Toulouse a toujours été... Alors pour ça, moi, quand je suis arrivé comme procureur général à Toulouse, je buvais du petit lait. L'héritier était l'héritier des procureurs généraux du Parlement de Toulouse qui avait requis férocement contre les protestants. Ils ont été féroces très longtemps. Ah oui, très, très. Jusqu'à. Un inquisiteur en 1789. Le dernier pasteur exécuté en France, c'est un pasteur qui a été exécuté à Toulouse en 1762. Encore en 1762. La même année que l'affaire Calas. C'est la même année. Et Calas était protestant aussi. Oui, enfin c'était un nouveau converti. Comme on appelait les nouveaux convertis. Mais en réalité, il était resté protestant. Alors Calas, c'est très curieux parce que longtemps on a discuté, est-ce qu'il était vraiment protestant ? Bon, parce que tout le procès avait été orienté sur la rumeur publique qui disait qu'il était protestant et que donc il aurait tué son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Bon, ce qui est un peu farfelu parce que officiellement ils étaient tous catholiques, nouveaux convertis. Mais en réalité, ça a été découvert tout récemment, Calas était bien protestant, parce que on a découvert dans les registres de la chapelle de l'ambassade de Hollande à Paris l'acte de mariage de Calas avec son épouse, qui était une fille d'un réfugié protestant en Angleterre. Ils se sont mariés, donc réformés, à la chapelle de l'ambassade de Hollande. Et après, alors il y avait des accommodements à l'époque, parfois, ils sont arrivés à se faire remarier, si j'ose dire, par un prêtre catholique dans un petit village d'Île-de-France. Sans doute qu'ils ont trouvé quelqu'un de tolérant ou de complaisant. Et donc, officiellement, ils avaient un mariage catholique. Donc, ils avaient un état civil, contrairement à beaucoup de protestants qui n'en avaient pas, parce qu'ils n'étaient pas mariés devant l'Église catholique. Donc, c'est typique de ces nouveaux convertis qui, officiellement, étaient catholiques, de bons catholiques, même jusqu'à se marier devant l'Église catholique, et puis qui, au fond, étaient restés protestants, puisqu'ils s'étaient mariés à la chapelle protestante de l'ambassade de Hollande, et que l'un des fils, on a la preuve que l'un des fils allait aux assemblées du désert. Oui, c'était très compliqué, cette situation à l'époque des réformés dans le sud-ouest. Bon, mais là, on sort de mon propos et de mon livre. Mais bon, il y aurait beaucoup de choses à écrire et à dire là-dessus. J'ai d'ailleurs fait une conférence à Toulouse sur ce sujet. Et dans l'affaire de Habsheim, ça finit comment ? Ah ben, l'affaire de Habsheim, c'est le pilote qui a été reconnu comme responsable. Hein. Le pilote de l'avion. Ce qui était, me semble-t-il, assez évident dès le départ. Puis qui a été contesté pendant 10 ans par le pilote, lui, hein, bien sûr, on comprend, mais aussi par les syndicats de pilotes qui étaient remontés contre cet Airbus A320 parce que c'était le premier avion civil qui se pilotait à deux et non plus à trois. Et alors ils avaient voulu vraiment arracher qu'on mette un troisième quand même. Et bon, ils avaient fait le forcing pour essayer de démontrer que c'était l'ordinateur de bord qui avait buggé, ou que c'était l'altimètre qui était déréglé, ou que, enfin, ils avaient cherché toujours à mettre en cause l'avion. Or, toutes les expertises ont démontré que c'était pas l'avion, que c'était bien le pilote qui, dans l'euphorie de ce meeting aérien et de cet avion extraordinaire qui pilotait, qui était nouveau, c'était le premier exemplaire à Air France, a fait une manœuvre imprudente, c'est tout. Hein. Et ça a été reconnu par la cour d'appel, d'abord par le tribunal de Colmar, puis par la cour d'appel de Colmar, et là aussi, la cour de cassation a rejeté les pourvois, donc c'est définitivement jugé. C'est la même chose que Saint-Odile, on a accusé le pilote. Et ça n'a jamais été reconnu au tribunal. Ben, j'ai pas suivi cette affaire puisque j'étais plus à Strasbourg depuis longtemps et j'étais loin. Donc là, je peux rien dire sur Saint-Odile. Je me garderai bien. Je ne dis jamais rien sur les dossiers que je ne connais pas. Parce qu'on a des... Quand on sait, on connaît un dossier que par la presse, il faut extrêmement se méfier. Et AZF, là. Ah oui, j'ai connu AZF à Toulouse, oui. Et je l'ai connu en chair et en os, parce que j'étais dans mon cabinet au palais de justice quand il y a eu l'explosion. J'étais en train de discuter avec un jeune auxiliaire, et subitement, bouf, détonations, bruit de vitres brisées, tremblement du bureau. Mon jeune s'en va affolé. Et moi, j'ai cru sur l'instant que c'était une bombe, c'est un attentat, une bombe dans le palais de justice. Tout le monde a dit que c'était un attentat. Et bon, alors je suis sorti, je suis allé voir ce qui se passait. Oh, il y avait des débris partout. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Mais bon, on avait quand même été impacté par l'explosion. D'ailleurs, le palais de justice de Toulouse est en réparation constante actuellement parce qu'il a été très sérieusement ébranlé par l'explosion. Bon, mais bon, puis alors j'ai suivi un peu le dossier au début puisque j'étais encore en place. Puis après la suite, non, j'étais parti. J'étais à la cour de cassation. Et votre opinion, c'est que c'est un attentat? Ah non, c'est un accident. C'est un accident, mais à mon avis, c'est pas définitivement jugé parce que c'est à la cour de cassation actuellement. Hein. La cour d'appel de Toulouse a condamné le directeur de l'usine. Hein. Mais bon, il a fait un pourvoi en cassation. Moi, je me demande si la cour de cassation ne va pas casser. Parce que bon, c'est un dossier dans lequel on n'a jamais pu prouver l'origine de l'explosion. Il est extrêmement vraisemblable que c'est un accident, mais on n'a jamais pu le prouver, on ne pourra jamais le prouver. Donc, à mon avis, ça devrait aboutir à un acquittement. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Hein. On verra ce que fera la Cour de cassation. Parce que là, la Cour d'appel de Toulouse a été assez hardie. Où elle a en somme raisonné en disant toutes les autres origines possibles sont à exclure, sont exclues, ça ne débouche sur rien. Il n'y a que l'accident qui est l'explication possible de cette explosion. Et donc, on condamne le directeur de l'usine comme responsable de ce qui se passait dans cette usine. Bon, je trouve que c'est un peu rapide. Enfin, on verra ce que dira la Cour de cassation. Par accident, il faut entendre négligence. Enfin. Oui, ils ont pensé qu'il y avait, bon, il y avait des possibilités de négligence parce que... Et on ne sait pas pourquoi ça a explosé. Non, on ne sait pas. Mais il y a des précédents. Il y a un précédent, je crois que c'était au Chili, il y a un bateau qui avait chargé aussi le même genre de produits chimiques et qui a explosé aussi dans le port et on ne sait pas pourquoi. Ça s'est produit à la fin du 19e ou au début du 20e. Donc voilà. Et les experts ont reproduit l'explosion en laboratoire. Mais bon, ce n'est qu'une expérience de laboratoire. C'est pas en soi une preuve. Donc on est... Bon, c'est une affaire... Parce que ça a excité beaucoup. Ah oui, non, mais je comprends. Il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de dégâts. C'est une affaire grave. Mais, bon, dans une explosion comme ça, il est évident qu'il ne reste pas grand-chose hein, pour trouver des éléments matériels probatoires. Et après, les témoignages sont extrêmement variés et contradictoires. Il y a des gens qui ont entendu une explosion, il y a des gens qui ont entendu deux explosions, et je suis de ceux-là, j'en ai entendu deux. Mais, à mon avis, l'une était l'écho de l'autre, parce que c'était très rapproché. J'ai entendu une grosse explosion, puis une plus atténuée, mais un laps de temps très court. Donc, voilà. On a un grand point d'interrogation, je ne saurais pas donner de réponse à ce dossier. Hein. Ça reste un mystère. Il faut reconnaître que, bon, même avec toutes les avancées de la science, on n'est pas capable de répondre à tous les cas. Hein. Parce que ça les excitait à Toulouse. Hein. Mais oui, mais c'est toujours, d'ailleurs, c'est toujours très sensible à Toulouse, cette affaire. Il y a beaucoup de gens qui sont convaincus que c'était un attentat. C'était un attentat, mais la piste de l'attentat a été explorée à fond, ou ne donne rien. Et ça n'a jamais été revendiqué par personne. Alors un attentat qui n'est pas revendiqué, c'est louche. Parce que à quoi bon un attentat si vous ne le revendiquez pas? Un attentat, ça doit servir à quelque chose. là-dessus. Les attentats sont toujours revendiqués. Or là, il n'y a pas eu la moindre revendication. Voilà. Je ne peux pas vous répondre sur AZF, plus que ça, d'autant plus que je n'ai pas connu l'affaire jusqu'au bout, j'ai eu que le début. Dans la panique du moment, et je vous assure que c'était pas. La ville était vraiment complètement paniquée. Hein. D'autant plus qu'à côté. C'était juste après le 25 septembre. C'était juste, c'est pour ça que beaucoup de gens ont pensé à un attentat. Mais oui, c'était un mois et demi après. C'était le 21 octobre. C'était octobre, oui. Et donc, voilà. Et puis alors, ça aurait pu être pire, hein. On a eu de la chance parce que l'explosion s'est produite dans l'usine AZF, qui est juste à côté d'une usine de poudre, une usine d'État de poudre et de carburant pour fusées. Oh là là. Et il y avait entre les deux usines une passerelle avec un énorme conduit qui transportait du gaz dangereux, non, du gaz genre hypérite. Donc si cette canalisation avait été rompue par l'explosion, là, il y aurait eu catastrophe, un véritable Céveso. Non, elle n'a pas cédé. Et donc ça n'a pas atteint la deuxième usine, mais c'était proche. Hein. Il y a un fossé avec un peu d'eau entre les deux, c'est tout. Hein. Voilà. C'était ça le grand danger. Bon, l'échappée belle. Oui, vous auriez été gazé. Hein. Ah oui, on aurait été gazé. Enfin, une partie de la population aurait été gazée. Ça fait. Bon, enfin bon. Et cette usine est toujours là. AZF n'existe plus, ça a été rasé. Maintenant, il y a un cancéropole à la place. C'est très bien. Mais à côté, il y a toujours l'autre usine. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Et si certains souhaitent que je leur dédicace ce livre, je le ferai volontiers. Voilà. Bonne soirée à tous. Oui.